Moi, c'est des contrats où je m'aventure pas trop. Je fais attention. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient des expériences par rapport à ce qu'on pourrait appeler des extériorisations de la conscience que je considère comme des manipulations. Puis qui ont cru entrer en contact avec toutes sortes d'affaires. Mais c'est là que c'est dangereux à mes yeux. C'est parce que, comme c'est réellement des façons un peu de quitter le concret, pragmatique, pratique de la vie. Il y en a beaucoup qui vont fuir dans ces choses-là d'une certaine façon, mais c'est inconscient. Faut avoir du discernement dans ce domaine, oui, mais comme dans n'importe quoi. Mais c'est comme les affaires comme. Vous savez, il y a toutes sortes de bibites, là. Il y en a toutes les sortes. Puis les gens pour qui ça avait une certaine importance, j'en ai vu beaucoup sombrer, notamment dans la psychose. Donc, à un moment donné, de se rendre compte que par l'âme, il y a de la manipulation, puis que des fois, c'est carrément une façon de désamorcer des gens. Donc, de faire attention avec ça. J'aime mieux que les gens portent attention à des choses très, très, très concrètes de leur vie, gérer leurs affaires, puis que d'avoir un intérêt pour ça.